France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. J'ai cru à votre douceur, mère, à votre autorité, mon père. J'ai cru à la sagesse, aux récompenses, aux bonnes notes que l'on rapporte. Qui parle ? Un personnage de fiction créé par Françoise Malé-Joris ou Françoise Malé-Joris elle-même ? L'enfance, l'adolescence, une histoire d'amour entre scaphandriers, il s'agit là aussi de fiction, les premiers écrits par amusement. Le 27 mai 1961, Françoise Malé-Joris était l'invitée de José Pivin sur France 2 Régionale. Tous les plaisirs du jour sont dans la matinée. Une émission imaginée et réalisée par José Pivin, qui présente aujourd'hui Françoise Malé-Joris. Des extraits des romans de Françoise Malé-Joris, La Chambre Rouge, Cordélia et les personnages seront interprétés par Michel Bouquet, Bernard Noël, Pierre Delbon, Yves Pénaud, Max Roire, Suzelle Goffre, Catherine Lecouet et Suzanne Michel. Prise de son, Jacques Boisse. Assistant de production, Jean-Pierre Collat. Au cours de cette heure que nous allons passer avec Françoise Malé-Joris, nous aurons l'impression de visiter un monde de personnages aux pensées changeantes, quelquefois dissimulées sous des apparences recherchées, d'autres fois plus nettes. Et nous ne pourrons nous en étonner plus qu'en voyant des rochers changer d'aspect suivant les heures et les ombres du jour. Françoise Malé-Joris, pour essayer de nous faire comprendre avec quelle sorte de calme souvent amusé vous êtes entré en contact avec le monde des hommes et de leurs défauts, voulez-vous nous parler des premières impressions que ce monde vous a données, et en particulier au moment de votre enfance ? Mon enfance s'est passée en Flandre, comme vous savez, j'étais enfant à Anvers, dans un port. Alors, je crois que mon souvenir le plus ancien, c'était des promenades qu'on nous emmenait faire sur le port à ma petite sœur et à moi, et où on voyait les mouettes qui criaient très très fort. Je sais pas, j'ai ce souvenir d'un cri très perçant, comme vraiment un de mes premiers souvenirs d'enfance. Puis le souvenir des bateaux et tout ce remue-ménage des ports, ça m'impressionnait beaucoup, ça me plaisait énormément. Et c'est une des choses qui me reste le plus agréablement, sûrement, de mon enfance. Est-ce que pour vous, à ce moment-là, c'était quelque chose qui faisait partie de votre vie ou bien au contraire quelque chose qui vous permettait de vous évader ? Non, c'était plutôt en dehors, parce que c'était le dimanche, c'était les jours de fête, c'était en dehors de la vie de tous les jours. C'était une chose à quoi je pensais, où j'avais envie d'aller pendant la vie de tous les jours, enfermée à la maison, tout ça. Vous disiez enfermé à la maison, est-ce que vous avez l'impression d'être enfermé quand vous étiez chez vous ? Toujours un peu dans toutes les maisons, je me sens un petit peu enfermée. Alors pas dans mon enfance plus que maintenant, mais je crois que j'aimais beaucoup ces sorties, que ça me donnait une espèce de... Enfin, c'était un rêve pour moi. Ce n'était pas du tout un rêve de partir sur un bateau, par exemple. Je ne pensais pas du tout à visiter des pays lointains ou des choses comme ça. Non, simplement, j'aimais cette atmosphère... Le remuement de l'eau, tout ça, ça me donnait une sensation de dépaysement, qui est au fond la sensation que j'y recherchais quand j'écrivais des premiers poèmes, quand j'étais encore très enfant. Alors je crois que c'est parti de sensations comme ça, quand je commençais à écrire des poèmes en prose et toutes sortes de bêtises. Et quelles étaient ces autres choses que vous écriviez alors ? J'ai écrit des romans très très stupides quand j'avais 10 ans. Que j'illustrais moi-même dans des cahiers. Et justement, il s'agissait beaucoup de l'eau, parce que les premiers que j'avais écrits, les premiers cahiers, se racontaient des histoires d'amour entre scaphandriers. J'étais encore très, très inexperte, parce que je disais qu'ils descendaient au fond de l'eau avec les scaphandres et qu'ils échangeaient un long baiser d'amour. J'ai été élevée sans religion. C'est pas, enfin, d'éducation laïque, tout à fait. Et je crois que, par exemple, les autres enfants à l'école qui allaient à l'église, qui faisaient leur première communion, tout ça, ça me faisait aussi un petit peu cet effet de dépaysement, l'idée qu'ils avaient accès à un monde qui n'était pas le mien. Alors ça me tentait un peu comme ça. Je rêvais là-dessus. Je m'entendais bien avec mes parents, mais j'avais toujours une envie comme ça de voir d'autres choses, de voir des choses que je ne connaissais pas encore, une curiosité. Et en même temps, j'étais très peu sociable. Alors, je ne parlais pas tellement avec mes amis, enfin, les jeunes filles qui étaient à l'école avec moi. Pas tellement, vraiment. Sauf, je ne peux pas dire très tôt aussi, j'ai commencé à écrire pour elles, parce que j'avais une certaine facilité pour faire leur rédaction. Alors, on faisait un petit troc, elles me faisaient d'autres choses. Moi, je faisais leur rédaction, où elles me donnaient des bonbons. J'ai eu, au moment d'aller à l'école, au début, comme ça, vers 6 ans, quand j'ai commencé à l'école, j'avais vraiment une terreur d'y aller. Je ne le disais pas, mais j'avais une vraie terreur d'y aller, de me trouver entourée de monde. C'était cette sensation-là, enfin, pas seule. Une crainte de se voir poser des questions. J'étais sage, j'étais calme, mais j'emportais toujours des livres, par exemple, pour lire en dessous de mon pupitre. Alors, on me le reprochait beaucoup. J'avais un besoin de me réfugier en moi-même et ça me fatiguait tellement d'être entourée de tout ce monde. Et je crois que c'est une chose que je ressens encore. Maintenant, c'est peut-être dû au fait que ma santé n'a jamais été très très bonne. Alors, peut-être c'est une réaction maladive, simplement. J'avais eu une crise de rhumatisme articulaire quand j'étais encore jeune. Et puis, j'avais l'appréhension d'être à nouveau malade et j'avais l'impression que tout me fatiguait, je peux dire. Ça vous obligeait à rester longtemps couché, évidemment. Oui. Et puis à faire très attention, on me disait toujours, de beaucoup me couvrir, de ne pas sortir quand il pleuvait. Ça me donnait une impression de devoir me préserver. Et qu'est-ce que vous faisiez pendant ce moment-là, pendant ces périodes où vous étiez allongée? Oh, je faisais des tas de choses, je dessinais, j'écrivais des petites histoires. Et puis ma sœur et moi, nous faisions un journal quand moi j'avais 12 ans et elle en avait 8 ou 9, 8 ans, elle devait avoir. Nous faisions un journal, alors moi j'écrivais toutes sortes de rubriques, on faisait une rubrique de mode, on faisait tout. Et elle dessinait et elle recopiait aussi le journal. Mais au bout d'un peu de temps, elle se révoltait parce qu'elle en avait marre de recopier comme ça 12-15 fois. Alors on arrêtait. Et est-ce que les êtres humains vous intéressent maintenant davantage? Maintenant j'ai remarqué au contraire, les personnes m'intéressent énormément. Mais seulement au bout d'un certain temps d'habitude, de fréquentation. J'ai toujours une espèce de recul à devoir rencontrer des gens que je ne connais pas bien, que je ne connais pas. Et puis au bout d'un certain temps, peu importe quelle soit la personne, au bout d'un certain temps, une habitude se fait et vraiment je m'intéresse passionnément à peu près à n'importe qui. Et est-ce qu'à un moment donné, vous avez l'impression que vous apparteniez à une nation, vous apparteniez à un monde, même aussi social? Oui, je suis flamande. Mes parents sont flamands. Je voyais bien qu'il y avait des choses qu'on disait qu'on ne faisait pas, des gens qu'on disait qu'on ne voyait pas, des quartiers même où on disait qu'on n'allait pas. Vous savez, dans ce sens-là, oui, mais ça me paraissait juste être encore faire partie de cette vie des grandes personnes où on est aussi enfermé dans un horaire, où il y a des heures pour faire les choses. Tout ça me paraissait également absurde, comme les heures des repas. Ça me paraissait toutes des inventions stupides. Mais je le faisais quand même parce que j'étais pas révolté, vraiment, je trouvais ça plutôt comique. Et le sens du comique, vous le traduisiez comment? D'abord, après ces choses de scaphandrier, j'ai aussi écrit des romans, c'était des cahiers plus réalistes où je me moquais, pas méchamment, je me moquais de mes parents. Par exemple, on avait fait un petit voyage en vacances avec ma mère, j'avais pas été très bien, elle avait dû m'emmener quelques semaines à la campagne. Et alors je racontais tous les incidents du voyage en me moquant un peu d'elle gentiment parce que ma mère est très distraite, elle faisait toujours des bêtises parce qu'elle était distraite. Et j'avais écrit comme ça là-dessus. Je faisais un effort d'adaptation mais j'avais conscience d'être obligée de faire un effort. Je n'ai été à l'école que jusqu'à 12 ans. Après comme j'avais des difficultés, je n'arrivais pas à m'appliquer bien. Mes parents m'ont retirée de l'école et m'ont fait prendre des cours particuliers. Jusqu'à 15 ans, jusqu'à l'âge qui est normalement le baccalauréat. Chez nous, ça ne s'appelle pas comme ça, mais c'est comme le baccalauréat, première partie. Alors j'avais des leçons particulières jusque-là. Alors j'aimais beaucoup ça parce que ça me laissait beaucoup de liberté pour lire. À ce moment-là, j'avais vraiment découvert le plaisir de lire et je lisais du matin au soir. Je lisais 10 heures par jour, n'importe quoi, absolument n'importe quoi. Et mes parents avaient une très très grande bibliothèque, très bien fournie et je lisais absolument, plus que je n'ai jamais lu depuis, je crois. Parce que faisaient vos parents? Mon père est avocat et ma mère est aussi avocat. Ma mère, d'ailleurs, est devenue écrivain ensuite, mais elle n'avait pas encore rien publié ni fait représenter au moment où j'avais 12 ans. Sa première pièce a été jouée quand j'avais 15 ans. Et est-ce qu'il y a un moment où vous avez pensé que vous alliez à ce que vous alliez devenir, à ce que vous pouviez devenir, du moins? Mais ça s'est fait, pour ainsi dire, tout seul, parce que mes parents recevaient beaucoup d'écrivains. Par exemple, Bernanos, ils ont reçu à un moment donné, et puis Crommelinck, Fernand Crommelinck, c'est l'auteur dramatique. Et c'était alors au moment où j'avais 14 ans. Et à ce moment, j'avais déjà écrit beaucoup de poèmes en prose, comme ça, sans réfléchir vraiment sur le fait que c'était des poèmes, de petits textes, comme ça, dont je pouvais le besoin de le faire. Et ma mère les a montrés à Fernand Crommelinck et ça lui a plu et il les a montrés à d'autres personnes. Et c'est comme ça que mon premier ouvrage, si on peut dire, parce que c'était pas grand-chose, a été publié quand j'avais 15 ans seulement. Alors en somme, c'est venu tout naturellement et ça m'a paru assez normal par la suite, comme j'avais continué d'écrire, de publier, et comme ça a bien marché, ça a continué et ainsi de suite. Je vivais tellement dans l'idée que les choses qui se passaient étaient absurdes, que ça ne m'a pas paru plus absurde qu'autre chose. Qu'une chose qu'on ait fait comme ça pour son plaisir, qu'on ait fait tout naturellement, existe pour les autres, vous savez, la communication. Qu'ils puissent vraiment comprendre ce qu'on a voulu dire, ça me paraissait extraordinaire, disons, plutôt qu'absurde. Il y a des tas d'autres choses bien qui ne marchent pas. Puis ensuite, il s'est trouvé que j'ai écrit un roman plus tard, quand j'avais 18 ans, et puis ça s'est passé exactement de la même façon, parce que j'étais à Paris à ce moment-là, et un ami qui était l'écrivain Paul Gut a lu ce roman parce qu'il savait que j'en écrivais un, simplement, et l'a porté chez Julliard. C'était le Rempart des Béguines. Pourriez-vous nous parler un petit peu du Rempart des Béguines? Quand j'avais 16 ans, j'étais très amoureuse d'un monsieur qui avait eu beaucoup d'aventures et il n'était pas très gentil, il me racontait toujours ses aventures, ça me faisait pleurer horriblement. Alors je sentais qu'il fallait que j'invente quelque chose. Alors quand j'avais été en classe, j'avais eu une petite amie que j'aimais bien, dont le père s'était remarié. Et cette petite amie, sa belle-mère s'était beaucoup occupée d'elle avant qu'elle ne devienne sa belle-mère. Et elle avait cru que cette femme avait pour elle un intérêt particulier, mais un intérêt maternel. C'était pas du tout une histoire équivoque. Simplement, elle avait cru que cette femme s'intéressait à elle en tant qu'enfant. Et ensuite, elle s'était rendue compte qu'elle feignait cette sollicitude pour épouser son père, pour que son père se dise qu'il allait refaire un foyer. Et ça lui avait fait une très profonde déception. C'était une enfant qui devait avoir à l'époque 11 ans. Donc c'était une histoire tout à fait pas du tout équivoque, enfin. Mais cette histoire, ça m'avait frappée parce qu'elle m'avait dit ça. Tout ça était venu petit à petit, elle m'avait raconté ça. Et alors, quand je me suis trouvée comme ça dans cette situation, je voulais absolument inventer une histoire intéressante. Je lui racontais que cette histoire m'était arrivée, mais en ajoutant tout un climat trouble qui était assez celui qu'on ressent quand on a 14 ans, 15 ans, et qu'on n'est pas encore très fixé. Et alors, comme je lui racontais, ça se faisait. Comme ça se faisait, finalement, je me suis dit que c'était mieux de l'écrire. Et puis je l'écris. Voici la suite des confidences de l'héroïne du Rempart des Béguines, après sa première grande déception. Extrait du roman de Françoise Malé-Joris, La Chambre Rouge. Une lampe est allumée, non loin de Tamara, baignant d'une lumière douce son visage rêveur. Je la regarde. Je la regarde, ou plus exactement, je la guette. Se trahira-t-elle aujourd'hui, ma charmante belle-mère? Son visage gonflé de graisse, son nouveau visage de femme, je l'ai vu plus hideux que jamais lorsque Jean s'est mis à chanter. Je n'en doute plus, elle songe à tromper mon père. Mais avec quelle dissimulation, quelle prudence, quelle discrétion! Ses yeux baissés, ses sourires habiles, à peine trop aimables et que chacun peut surprendre, ce n'est pas de la passion, à peine du désir, c'est de la gourmandise. Un charme pourtant subsiste dans ce pourrissement. Tamara est belle encore. Belle dans les yeux de Jean qui caresse ses courbes douces. Belle dans le miroir de Venise, entre les rideaux blancs et les meubles à volutes. Et pour cet homme de 50 ans, qui, à force de l'aimer sans la connaître, la fête telle qu'il l'aimait, pour cet homme paisible, debout derrière elle, s'appuyant sur elle, et dont peut-être elle aime le poids, pour lui aussi, Tamara est belle. Mais comme elle s'irrite au milieu de son confort de sentir que je ne la trouve point telle, moi à qui elle parle à peine, dont elle semble souvent ignorer l'existence, mais à qui tout de même elle a légué quelque chose, ses yeux exigeants d'autrefois. Nous sommes là, dans le silence qui suit le repas de midi, dans la pénombre de l'hiver, avec l'air de poser pour un tableau de famille. Tamara s'est allongée à demi sur le canapé blanc, une jambe repliée sous elle, rêveuse avec grâce, et très consciente de son charme dans une coûteuse robe d'intérieur en satin feuille morte. Mon père, debout derrière elle, muni de ses attributs indispensables à l'homme d'affaires au repos, sourire cordial, café, épais cigare, symbolise si parfaitement la béatitude telle qu'on l'imagine au cinéma, qu'il en devient inhumain. Assis au piano, Jean Delfaux joue quelques notes, et son visage aigu s'adoucit d'un peu de rêverie. Il attend le départ de mon père, le mien aussi. Peut-être aujourd'hui sera-t-il décisif. D'ailleurs, il n'est pas pressé, sûr de lui, et surtout sûr d'elle. Et me voilà, moi aussi, dans un fauteuil, un peu à l'écart, mal habillé, comme il convient à une jeune fille, les doigts tachés de fusain, le maintien modeste, et cachant à merveille mon mépris attentif. Françoise Malégeris, on a l'impression que pour vous la vie était absolument calme et toujours, enfin toujours facile. Ça n'a quand même pas eu lieu certainement tout le temps. Oh non, non, absolument pas. D'abord j'ai divorcé 2 fois et ça m'a été très pénible. Enfin ça n'a pas été de légèreté de cœur, ça a été un choc pour moi à chaque fois. Et puis je suis quand même partie de chez mes parents assez jeune et je me suis débrouillée seule depuis. Mes parents m'avaient envoyée en Amérique à un collège pour apprendre l'anglais. Et alors en Amérique, je me suis mariée une première fois et puis je suis revenue en France, mais je ne me suis pas entendue avec mon mari très rapidement et je l'ai quittée et ensuite j'ai vécu sans mes parents. Donc c'est le moment où j'ai publié d'ailleurs Le rempart des béguines et j'ai eu un petit garçon. Donc, je suis restée avec mon petit garçon et, enfin, ça a été une période difficile pour moi. Et en Amérique, comment vous sentiez-vous à ce moment quand vous êtes arrivée là-bas? Oh, quand je suis arrivée, j'étais très émerveillée. Au début, je trouvais ça très, très, très amusant. Mais au bout d'un certain temps, je trouvais moins amusant. Et je dois dire que j'étais assez contente de repartir parce que c'est très difficile de s'adapter là-bas, évidemment, quand on est habitué à vivre différemment. Qu'est-ce que vous trouviez amusant? Oh, absolument tout. Les lumières, les journaux et les magasins. Et les habitants? Beaucoup moins. C'est ça qui était beaucoup moins amusant. Très gentil et très sympathique, mais du moins parmi les gens que j'ai connus, je pense que je n'ai pas connu un très large éventail de personnes, donc je ne veux absolument pas faire de généralité. Mais les gens que j'ai connus, j'avais vraiment l'impression qu'ils étaient tous tellement les mêmes. C'est-à-dire qu'ils avaient les mêmes conversations. On avait l'impression qu'ils étaient interchangeables quand on allait chez les uns ou chez les autres, que c'était la même maison, les mêmes personnes, les mêmes livres qu'ils avaient lus. C'était très fatigant. Mais est-ce que ce n'est pas l'impression qu'on a tous un petit peu quand on va à l'étranger? Ah, mon Dieu, je ne sais pas. Je ne peux pas dire que je sois restée nulle part ailleurs à l'étranger aussi longtemps qu'en Amérique. Mais j'étais en Italie, j'étais en Espagne, et c'est pas en Grèce, je n'ai pas eu cette même impression tellement d'immuabilité. Enfin, on a l'impression qu'ils ont même les mêmes costumes. C'est une impression assez hallucinante, je trouve. Et là, vous aviez quand même eu l'impression de trouver quelqu'un qui n'était pas tout à fait comme les autres. Mais c'était un Français avec qui je m'étais mariée, là. Et puis ensuite, quelques années après, je me suis remariée. Et puis, ça n'a pas encore marché. Et puis ensuite, je me suis encore une fois remariée. Puis, ça marchait très bien. Et puis, j'ai eu encore 3 autres enfants. Donc maintenant, j'en ai 4. J'ai quelquefois l'impression que pour une femme écrivain, la vie sentimentale est plus importante que pour un homme écrivain. Écoutez, c'est tout de même très important, ne serait-ce qu'à cause des enfants. Bon, je sais que quand je vivais avec mon petit garçon seulement, dont mes parents se sont d'ailleurs pas mal occupés, je me sentais pas dans la vie comme les autres femmes qui étaient mariées, qui avaient des enfants, qui avaient un foyer. Enfin, je me sentais pas normale d'une certaine façon. Mais est-ce que ce monde-là, pour vous, est un monde qui fait pendant à celui de votre pensée, enfin votre pensée littéraire, ou bien est-ce que cela se mêle? Je crois que mon évolution, si vous voulez, intellectuelle, enfin, eh bien, elle est parallèle à une évolution sentimentale qui fait que j'espère en même temps avoir fait quelques progrès littéraires et que j'espère aussi en même temps avoir fait des progrès qui me permettent d'avoir un foyer plus équilibré. Pour moi, je veux dire, toute espèce de progrès, je dirais pas moral, c'est un grand mot, mais enfin, toute espèce de progrès est en rapport avec n'importe quel autre progrès. Mais je pense que c'est pour ne plus trop y penser. Quand même, je ne travaille pas à la maison, je ne travaille pas chez moi. Parce que vraiment, il y a trop de bruit. C'est purement matériel avec les enfants. Et... autrefois, je travaillais au café. Mais comme quand j'ai eu la prue féminin, tout le monde racontait, parce que c'était drôle, que je travaillais au café. Après, tout le monde me regardait, c'était pas agréable, je pouvais plus travailler. Alors maintenant, je travaille à l'atelier de mon mari qui est peintre. Alors il m'a arrangé un petit coin dans son atelier, puis on travaille ensemble. Puis je vous demandais donc, après ce premier roman, qu'est-ce que vous avez écrit? Ensuite, après Le Rempart de Béguine, j'ai écrit La Chambre Rouge, qui est une espèce de suite. Et ensuite, j'ai écrit Cordélia, qui est un volume de nouvelles, mais dont plusieurs se passent en Flandre, d'ailleurs. Et ensuite, Les Mensonges, et puis ensuite, L'Empire Céleste, et puis celui-ci. Et quels étaient les sujets qui vous intéressaient? Pas exactement les sujets, mais enfin les ambiances qui vous intéressaient? Oh, ben tout au début, je pouvais seulement écrire au point de vue atmosphère que dans des atmosphères qui me rappelaient celles de mon enfance. J'ai passé beaucoup d'années à Paris avant de pouvoir écrire un roman qui se passe à Paris. Après vraiment presque 10 ans à Paris, j'ai pu écrire L'Empire Céleste qui se passe à Paris. Et quels sont les états d'âme qui vous intéressent particulièrement ? Oh bien, je crois que depuis le début, ce qui m'intéressait particulièrement, c'est les apparences. Vous savez, parce que toujours cette impression d'être dans un monde où les choses sont un peu, ne sont pas tout à fait ce qu'elles ont l'air d'être. Alors quand j'avais commencé à écrire ce livre, d'abord j'avais écrit comme ça par amusement, parce que j'avais raconté cette histoire, puis je voulais la fixer. Et ensuite, je me suis aperçue que ce qui m'amusait, enfin ce qui m'intéressait vraiment, c'était que cette jeune fille qui s'éprend d'une femme plus âgée la voit sous un jour tout à fait faux, en somme, sous un jour très romanesque, sous un jour d'une couleur très tranchée, comme on voit quand on est très jeune, et qu'au fond, cette femme n'était pas du tout comme ça. C'est ce qui m'avait aussi fascinée dans l'histoire de cette petite fille qu'elle m'avait racontée, c'est qu'elle avait vu dans cette dame qui voulait devenir sa belle-mère, elle avait vu une femme très gentille, très compréhensive, et en une fois, elle avait eu l'impression que l'apparence se retournait. C'est ça qui m'avait frappé dans l'histoire qu'elle m'avait racontée. Et alors j'ai voulu créer ce même retournement d'apparence. Et toujours c'est un peu ce thème du mensonge, de la vérité, qui m'intéresse même encore maintenant, même dans le dernier roman. En pensant qu'il peut y avoir une solution à ces mensonges? Oui, je crois qu'il peut y avoir une solution intérieure. Je ne crois pas qu'il puisse y avoir de solution sur le plan du monde. Enfin, je n'arrive pas à le croire extérieurement. Vous n'avez pas une très grande confiance dans le jugement des hommes. Ce n'est pas tellement dans le jugement, mais... je veux dire, dans l'organisation du monde, dans l'ensemble, non, je ne crois pas que j'ai une très grande confiance. Peut-être j'ai tort. Voici maintenant l'extrait d'une nouvelle de Françoise Malé-Joris, Cordélia, montrant M. Van Tittelbaum, riche brasseur flamand, aux prises avec ses apparences. Le soleil faisait briller les murs couverts de vieux cuir de Malines et caressait le gros ventre des bahuts. Madame Lisa apportait des œufs, du hareng, des crevettes, le déjeuner du maître. Et enfin, dans son beau costume à rayures, sa montre en or à la main, une panoplie de stylos brillants sur sa poitrine, le brasseur Van Tittelbaum faisait son entrée. 8h30, exact comme le soleil. Bien dormi, Egon ? Lisa, il y a encore une fois beaucoup trop de choses pour déjeuner. Mais qu'est-ce qu'on penserait de vous, monsieur, s'il y avait moins ? Que vous êtes ruiné ou devenu avare ? Ou alors que vous avez une drôle de maladie ? Cette indignation de Lisa était, elle aussi, partie du rite matinal. Et M. Van Tittelbaum ne manquait jamais, après l'avoir écouté, d'engouffrer de bon appétit, œufs, hareng et crevettes. D'ailleurs, sa position importante, parmi ceux de Langewege, ne tenait-elle pas en grande partie, outre sa fortune, au fait que sa personne servait en quelque sorte d'enseigne à sa propre prospérité ? Il était ce qu'on appelle en Flandre un bel homme, malgré ses 45 ans bien sonnés, c'est-à-dire un homme gros, grand et rouge, la voix puissante, le geste large, et sachant à l'occasion se donner des airs importants. Ses yeux un peu trop ronds parcouraient avec complaisance la pièce, se posait sur l'enfant buvant du lait dans un bol à fleurs, sur l'argenterie de famille, sur les crevettes roses dans la porcelaine blanche, et tout cela, jusqu'à l'odeur un peu âcre d'encaustique qui venait des meubles luisants, lui parut paisible et quotidien. Dehors aussi, songeait-il confusément, les champs étaient allongés, l'un après l'autre, avec ordre, et dans une heure ou deux, on verrait revenir sur la mer le troupeau des voiles grises. Tout était paix sur les Flandres dorées. Ce fut le petit Egon qui, le premier, aperçut cette forme debout près de la grille, la haute grille maniérée à volutes. « Il y a quelqu'un, papa, » dit-il innocemment. « Je crois que c'est une mendiante. » Le brasseur se retourna surpris et sursauta. La fille maigre qui se tenait là devait avoir 15 ou 16 ans. Ses cheveux roux en broussailles entouraient un visage étroit, égaré, où les lèvres maladroitement peintes saignaient comme une blessure. « Est-ce qu'il faut lui donner quelque chose, papa ?» demandait le petit Egon. Le brasseur, qui avait pâli, traversait à présent le jardin, marchait vers l'apparition, un billet de banque tendu à bout de bras comme un exorcisme. Mais la petite main, crispée sur un barreau de la grille, ne se tendit pas. « J'ai faim, » dit-elle plaintivement, en essayant une sorte de sourire lamentable. Et lui, qui se souvenait, fut touché de ce sourire, de cette bouche horriblement fardée qu'elle avait cru devoir lui plaire. Il ouvrit la grille et elle se glissa dans le jardin. Ainsi, Cordélia entra-t-elle dans la vie du petit Egon, du brasseur Van Tittelbaum et du petit village de Langewege. Elle parlait peu et avec réticence. Mais Lisa, sautant sur l'aubaine, il y avait si peu de nouveaux venus à Langewege, devait la questionner impitoyablement, jour après jour, jusqu'à savoir à peu près son histoire, et elle l'a retransmis au bourg tout entier. Elle avait, semble-t-il, fait partie d'une bande de ces vagabonds, mi-sabotiers, mi-vaniers, qui étaient passés quelques semaines auparavant. Entraînée par un garçon du village qui lui avait promis 20 francs, elle l'avait suivi dans les dunes et avait manqué ainsi le départ de la troupe. Comment elle avait vécu depuis ? Elle dormait près des marais, là où les perdrix grises font leur nid à fleur de terre, et plus d'un villageois qui se plaignait du petit nombre d'eux, d'un inexplicable tarissement de leurs vaches, en pouvait maintenant trouver l'explication dans la présence nocturne de la maigre fille. Ce qu'elle ne disait pas, c'était sa rencontre avec le brasseur, une nuit, sur la plage où elle se reposait demi-nue. Elle n'avait pas pensé à résister à cette étreinte brutale, trop faible et aussi trop effrayée par cet homme surgi tout à coup de derrière le brise-lames écroulé. Lui-même n'avait cru rien faire qui fût de conséquence. Ce corps aisément soumis, dont il n'avait pas distingué la jeunesse, devait être celui d'une petite bohémienne qui demain serait repartie. Ou bien c'était une prostituée du port voisin que des marins avaient abandonnée là, ivre morte. La plaisanterie était courante. Ou plus vraisemblablement encore, une fille d'un autre bourg, comme lui, oppressée par cette nuit trop chaude, cherchant l'aventure et qui se garderait bien de le trahir. Il ne lui avait pas dit un seul mot, ni même glissé d'argent, tant il était sûr de ne jamais la revoir. Il n'avait pas regardé son visage. Il l'avait laissée là, inerte, gisant sur la plage, et il était rentré se coucher, assez content de lui, s'amusant déjà du récit qu'il ferait, après boire, de cette aventure. Mais elle l'avait épié, habilement, et quand elle était venue à bout de force, espérant lui plaire à nouveau mendier devant la grille, il l'avait reconnue tout de suite. Il avait eu peur d'abord d'un chantage en la voyant si jeune. Puis, comme elle n'exigeait rien et se contentait d'attendre, en lui la pitié était née, et le désir revenu. Il saurait se montrer charitable en recueillant cet infortuné. D'ailleurs, le bourg dont il aspirait à devenir bourgmestre lui en saurait gré. Bientôt, le village entier connut Cordule. Madame Lisa faisait un fort émouvant récit des circonstances dans lesquelles elle-même et son maître avaient recueilli l'infortuné. Elle était là devant la grille, blanche comme une bougie, et les os qui lui crevaient la peau. Un jour de plus, elle était morte, c'est sûr. Je lui ai dit, monsieur, ça serait pas digne de vous ni du village si vous laissiez cette fille dans la rue. Ça serait pas la peine d'être riche comme vous l'êtes si vous n'aidiez pas les malheureux, même si ce sont des bohémiens. Et vous me croirez si vous voulez. Il m'a répondu, Lisa, vous êtes toujours la même. Un cœur d'or. Faites-la entrer, il m'a dit. Ouvrez cette grille. Et en un geste immense qui semblait englober tous les miséreux de la terre, elle mimait la grille ouverte et l'accueil généreux. Non que Lisa ignora les plaisirs que son maître tirait de la maigre Cordule. Personne au village qui ne s'en douta. Mais on lui donnait raison. La chose faisait rire d'abord. Et puis il fallait tout de même que ce pauvre veuf tirât quelque profit de sa charité. Elle n'en était pas moins méritoire, puisqu'il aurait pu, comme le boucher l'exprimait énergiquement, l'avoir pour une tartine. Peut-on vous demander aussi, Françoise Malégeris, quelles ont été vos réactions devant la guerre? Eh bien, nous avons quitté la Belgique, ma mère et moi et ma petite sœur. Mon père était militaire à ce moment-là. Alors nous sommes venus en Bretagne, puis on a eu des bombardements. Les gens n'étaient pas toujours très aimables, c'était au moment de la capitulation du roi. Alors ça m'avait assez surpris parce qu'une fois on était entré dans une ferme pour demander du lait et puis ils ne voulaient pas nous en vendre parce qu'on était belges. Et puis une autre fois des personnes en Bretagne qui nous jetaient des pierres et criaient « capitulation » et on ne savait pas ce que ça voulait dire, ma sœur et moi. Mais je ne peux pas dire que j'en avais une impression de terreur non plus. Toujours une impression comme ça qu'il faut s'attendre à tout, que n'importe quoi peut arriver, c'était plutôt cette impression-là. Et ensuite, devant tous les événements qui se sont produits, enfin, et qui continuent à se produire dans le monde entier, est-ce que vous avez une opinion particulière? Eh bien, jusqu'à 24 ans, ou même 25 ans, je pensais que c'est l'absurdité générale et que, mon Dieu, il faut essayer de se débrouiller aussi bien qu'on peut. Mais depuis, quand même, je pense qu'on n'a pas le droit de s'en désintéresser complètement. Et par exemple, maintenant je vote, autrefois je ne votais pas. Et je lis les journaux et j'essaye de me faire une opinion et d'être aussi bien renseignée que possible. Est-ce que vous pensez aussi à l'action de vos romans? Pour l'instant, ça ne s'est pas présenté à moi parce que je n'aime pas parler des choses que je ne connais pas bien, que je considère que je connais trop peu de choses à la politique pour en parler dans un roman d'une façon approfondie. Je crois que je pourrais être amenée à en parler, oui, mais pas comme d'une chose différente de toutes les autres choses qui composent une personnalité. Vous dites que vous n'aimiez parler que des choses que vous connaissiez très profondément. Est-ce qu'au cours de vos voyages, vous n'avez pas eu l'impression qu'il était possible de s'enrichir plus rapidement par des contacts plus superficiels? Oh, je ne peux pas dire que j'ai tiré tellement de profit de mes voyages, ça je le déplore beaucoup, mais il faut que je reste très longtemps dans un endroit pour pouvoir en tirer profit au moins littérairement. Maintenant, j'ai été un an et demi en Amérique et si j'avais à en parler, je pourrais en parler, il me semble. On peut apprécier, mais pour en parler, je crois, il faut tellement comprendre même un paysage que moi, il faut que j'aille très longtemps dans un pays pour pouvoir en parler. Et dans les hommes, est-ce que vous cherchez aussi à les analyser très très profondément? Oui, j'essaye. Et c'est aussi pour ça que je ne m'intéresse vraiment qu'aux gens que je vois très souvent, dont j'ai l'habitude. Vous n'avez pas eu l'impression que vous n'arriviez jamais à quelque chose de très défini? Oui, j'en avais l'impression autrefois, mais maintenant je n'en ai plus tellement l'impression. Je me semble que je comprends mieux une espèce d'unité qu'il y a entre tous ces aspects, le rapport, si vous voulez, qu'il y a entre les différents aspects, par exemple, d'une même personne. Je veux dire, maintenant, je crois vraiment, après y avoir pas mal réfléchi, qu'il y a une vraie personnalité. J'avais un peu autrefois l'impression, la sensation, sans y réfléchir, qu'il n'y avait pas de vraie personnalité, que les gens étaient tantôt ceci, tantôt cela. Ils sont quand même une entité, une unité. Dans l'Empire Céleste, vous parlez pourtant d'un homme qui paraît ne jamais avoir une personnalité très précise. C'est un homme qui n'est pas content de sa vie et qui s'évade en écrivant son journal. Et en s'évadant ainsi, il fait beaucoup de dupes autour de lui parce que plusieurs personnes de ses amis viennent à lire ce journal. Alors elles le lisent et se font de lui une idée tout à fait fausse. Or, il vient un moment où il se trouve devoir accomplir une action. En fait, c'est se séparer de sa femme dont la conduite n'est pas bonne. Et toutes les personnes qui se trouvent autour de lui, ses amis, qui se sont fait de lui cette fausse image, s'attendent à ce qu'il agisse d'une certaine façon, d'après cette fausse image de lui-même qu'il a créée. Or, il n'agit pas de cette façon, pas tout de suite. Il n'a pas envie d'agir de cette façon parce qu'il n'est pas vraiment comme ça. Et toute cette petite société se groupe autour de lui et le force à agir de la façon dont il s'est décrit. N'est-ce pas? Et il est très malheureux parce que dans le fond, ça ne l'arrange pas du tout. Il n'a pas du tout envie de se séparer de sa femme. Mais il est finalement forcé de le faire par l'opinion publique, si vous voulez, à laquelle il ne sait pas résister. Cette opinion publique, d'ailleurs, que tout enfant, vous craignez un petit peu et que vous avez peut-être raison de craindre. Oui, sans doute, parce que c'est au fond le même sujet dans le dernier roman. C'est aussi une chose d'opinion publique, un peu. Est-ce que vous pensez qu'il y a une raison pour laquelle cette opinion publique est généralement fausse? Parce que la vérité est si compliquée, n'est pas simple. Et qu'il est si reposant de croire des choses simples. Et dans les personnages, de quoi s'agit-il? Eh bien, dans les personnages, il s'agit donc d'un prétexte historique. C'est une jeune fille, Louise de Lafayette, qui a été pendant quelques mois, ça c'est l'histoire vraie, c'est la vérité, a été pendant quelques mois l'amie tout à fait platonique de Louis XIII. Cette jeune fille soulevait l'antipathie générale parce qu'elle ne prenait pas de parti politique. Et le cardinal de Richelieu s'est arrangé par divers moyens pour la faire entrer au couvent pour s'en débarrasser. Alors elle est entrée au couvent. Alors ça c'est l'anecdote, le prétexte dont je me suis servi. Il y a beaucoup de détails sûrement vrais que je n'ai pas racontés parce que j'ai voulu partir d'une chose très simple. Alors là-dessus j'ai brodé complètement et j'ai pris l'histoire sous différents aspects. Je l'ai séparée notamment en deux parties très distinctes. L'histoire proprement dite, enfin la chose amusante si vous voulez, et puis les réflexions de la jeune fille une fois qu'elle est entrée au couvent, qui représente son itinéraire moral si vous voulez, et qui coupe le roman à intervalles réguliers. Voici quelques extraits du roman de Françoise Malé-Joris, Les personnages. Un cardinal, un abbé de cour et une femme de la noblesse préparent le piège savant qui permettra d'enfermer Louise de Lavallière dans un couvent. Des amours royales, des complots, une conversion, une jeune et jolie nonne. Il y aurait une bien jolie pièce à faire de tout ceci. Qui pourrait l'écrire mieux que vous, monseigneur? Et pourtant, monsieur, c'est vous qui l'écrirez. En partie, du moins. Pourquoi en partie? Mais parce qu'il se peut, après tout, qu'elle nous choisisse. La Montadieu l'a déjà sondée de notre part. Combien de fois? Et vous pensez bien que les Hautefort ont tout fait, mais tout, pour l'attirer dans leurs intérêts. Il n'y a pas de doute possible. Ou bien elle est gagnée par eux, ou bien c'est une petite sotte qu'il sera aisé d'éliminer. Dans les deux cas, elle doit disparaître. Il s'agit donc de l'amener... Il s'agit de lui faire sentir qu'il n'y a pour elle que deux solutions. Nous ou le couvent. Je ne vous charge que d'une partie de ce plan. Tenez-vous-en là, sans autre explication. Convertissez-la. Le reste nous regarde. Il se peut que nous n'allions pas jusqu'au bout. Cela dépend de mille choses. Mais agissez selon ce seul but. On nous a dit grand bien de vos talents, bien que vous n'en ayez pas toujours fait le meilleur usage. Ne vous troublez pas, nous ne sommes pas ici à Limoges, et nul ne vous fera reproche de quelques inconséquences qui, mon Dieu, sont de votre âge. Agissez, réussissez, et vous obtiendrez cet évêché que vous sollicitez. À moins que vous ne préfériez rester à la cour où il serait aisé de vous trouver un emploi plus durable que celui de confesseur de Mademoiselle de Lafayette. Alors, quels sont vos plans? Il est difficile, n'est-ce pas, sans avoir vu la jeune personne. Oh, vous la connaîtrez vite. Elle n'est pas difficile à percer, la grande favorite. Sage comme une image, pieuse, exacte, chaste et bien lavée. Avec cela, têtue comme une mule et orgueilleuse comme un paon. Trop contente d'elle pour intriguer, du moins ouvertement. Elle veut montrer qu'elle est un ange et le roi lui voit des ailes comme je vous vois. Si vous me pardonnez cette question, si la jeune fille n'a pas pris parti, pourquoi? Faut-il que je m'explique pour vous décider? Un homme décidé, monseigneur, pour être efficace, ne doit-il pas aussi être un homme informé? Je n'apprendrai pas cela à celui qui a créé la police la plus efficace d'Europe. Je craignais un peu que les bons pères ne m'envoyassent quelques jeunes prêtres sans usage du monde, mais je vois qu'il n'en est plus. Vous avez raison, monsieur, et voici nos informations. Louise de Lafayette, sœur de Madame de la Bastie, ne sursautez pas, est actuellement favorite du roi. Je ne sais si elle entretient ou non des intrigues politiques, je n'en ai en tout cas nulle preuve, mais son influence sur le roi n'est point bonne et doit cesser. Il faut donc trouver quelque chose, lui susciter quelque nouvel amour. Jugez si cela est possible quand elle est aimée du roi. La mariée, le roi s'y opposerait. La gagner, jusqu'ici nos tentatives sont restées vaines. Quant aux moyens plus expéditifs, j'y songeais, quand Madame de la Bastie, toute dévouée à mes intérêts, a trouvé, avec une rare ingéniosité, la solution du couvent. Cela est-il bien clair? Le père Caussin est encore confesseur du roi et de la jeune fille. Le père Caussin sera disgracié dans 8 jours. Ce qu'il deviendra? Relégué à Quimper, je crois, sous bonne surveillance. Amédéo, le valet de chambre du roi, vous présentera à lui comme une trouvaille, une découverte. Un jeune homme tout neuf à la cour et qui n'entend se mêler de rien. Je vous tolérerai de mauvais gré. Vous ne prendrez pas la place du père Caussin auprès du roi que je réserve, mais vous confesserez Mademoiselle de Lafayette. Vous lui découvrirez une vocation. Vous l'en convaincrez. Soyez tranquille. Vous serez épaulé. Elle comprendra qu'il s'agit d'un parti à prendre. Le jour où ce parti sera pris, vous serez nommé, je vous le promets, à l'évêché de Sens. Vous avez eu quelques difficultés à Limoges, vous n'en aurez plus. Voici donc ma cellule. On vient d'apporter mes coffres qui sont là, posés contre le mur. Oh, ma harpe! Ne craignez point, mon enfant, m'a dit en souriant la supérieure, de demander ce qui vous manquera. Bien entendu, vous garderez votre linge de corps, de nuit. Il n'y a que l'habit qui change. Ainsi donc, ce sera le premier mot que j'aurai entendu ici. Ne craignez point. La belle quantité de bougies. On n'a rien épargné. La chambre, on ne peut appeler cela une cellule. La chambre est accueillante. Cette tenture, ce fauteuil, ces coffres qu'obligeamment on me propose de défaire pour moi. Des prévenances pour malades. Se disent-elles qu'avec la faveur du roi, C'est moi, un jour prochain, qui serai leur supérieur. Ne craignez point. Il faut pourtant défaire ces coffres, s'installer. Les coffres de Louise de Lafayette en religion, sœur Angélique. Elle a choisi ce nom avec son confesseur, la BG. On lui en fait compliment. C'est son second prénom, Louise Angélique de Lafayette. Elle a 22 ans. Elle, ce n'est déjà plus tout à fait moi, déjà. Entre ce visage que je quitte et celui que j'aperçois, il y a cette liquide étendue de nuit que je n'avais pas prévue. Une nuit seulement pour aller de Louise à Angélique, c'est trop et c'est trop peu. Il faut défaire nos coffres. Allons. Je n'avais pas rêvé ainsi cette cellule ni cette heure. Dans mon rêve, il n'y avait pas ces étoffes, cette harpe, ces fleurs soigneusement préparées. Il y avait une cellule au mur nu, d'une blancheur d'oubli, et pleine de cette paix de fin d'année, lorsque j'arrivais à la maison avec mes livres, que je m'enfermais dans ma chambre, seule avec ma récompense, cet ordre, cette paix. Cette chambre pourtant ressemble à ma chambre d'enfant, et ce couvent, au couvent de mes 13 ans. 13 ans, 14 ans, 15 ans, belles années vêtues de bleu. Quelle joie lui venait de songer que d'un peu loin, rien ne la distinguait de ses compagnes. Mais laissons cela. Sœur Angélique doit laisser derrière elle tout le passé. L'enfermer dans une armoire sombre comme son uniforme de pensionnaire ou ses robes de cour. Un tour de clé et me voilà prête. Pour ce soir, à dormir. Pour demain, à suivre la règle. Voici mon plan. Je compte accréditer le bruit de la conversion avant même que votre sœur y ait jamais pensé. Les passions s'enflammeront, j'y compte bien. Le cardinal verra plus clair dans tout ceci. Il comptera ses amis, ses ennemis. Quant à la jeune fille, elle s'étonnera d'abord, mais elle comprendra ensuite qu'il s'agit de prendre parti ou de disparaître. Les positions seront éclaircies, les mouvements mis en pleine lumière. Ce qui ne m'empêchera pas de prêcher le renoncement à Mademoiselle de Lafayette, si elle n'intrigue pas. Ce dont je ne suis pas convaincue. Ce n'est pas si sot. Je n'en attendais pas tant de vous. Mais vous attachez trop d'importance au sentiment de Louise. Vous la croyez rusée, habile et... Il ne faut pas sous-estimer l'adversaire. Mais que je vous raconte le début de ma campagne. Vous savez que je l'ai vue 2 fois cette semaine. Je crois avoir gagné sa confiance. Et comme je l'ai écrit à son éminence, il était difficile de faire plus en aussi peu de temps. Hier, sortant d'une conversation avec elle, je me suis souvenu bien à propos que j'avais à visiter une pauvre famille. Je lui propose de m'accompagner. Est-ce ruse, candeur, ou se prend-elle déjà aux éloges que je lui ai fait de sa belle âme? Toujours est-il qu'elle accepte. Avec empressement. Nous partons. Je l'amène dans un logis modeste, par un escalier malaisé, point trop crasseux pourtant pour ne pas la décourager. Ma famille était bien choisie. Le père et la mère jeunes, avec des haillons pittoresques. Pas d'aïeul, les vieillards ne sont jamais ragoûtants. J'avais mis tout mon monde à jeun depuis la veille. Les bambins pleuraient après leur tartine, de petits enfants blonds et bien lavés d'ailleurs. La mère avait des cernes intéressants, et au milieu de tout cela, un crucifix grand comme une échelle. Ah ! Il fallait être sûr qu'elle le vit. Tout ce monde se précipite en larmes vers moi. Du pain, monsieur l'abbé, du pain pour nos petits. Nous tirons des écus de nos poches, les bambins hurlent de joie, et votre sœur s'assied émue. L'autorité, je lui mets le plus jeune sur les genoux. Un enfant adorable. J'avais été jusqu'à le faire friser. Il lui fait mille petites façons qu'il improvise à ravir. Ces enfants-là sont malins comme des singes. Est-ce que vous êtes un ange, madame? Papa nous dit toujours que si nous n'avons pas de pain, un ange viendra nous prendre. Où prenez-vous ces imaginations-là? Je l'avoue, vous me surprenez. Me poursuivez. Nos poches vidées. Voilà l'aîné qui revient avec son pain. Et une espèce de pâté qu'il avait pris de surcroît et qui sentait l'oignon à plein nez. C'est ici qu'intervient le trait vraiment génial. Le père, qui avait déjà prodigué ses remerciements, ses balbutiements à notre ange, voyant que sa marmaille allait se jeter sur le pâté, l'oignon les attire comme la boue attire les gorées. Les arrête d'un geste noble. Non, mes enfants, non, remercions d'abord le ciel. Et voilà toute la famille, y compris le petit qui saute des genoux de son ange, prosterné au pied du crucifix, tandis que le pâté embaumait et que s'édifiait Mademoiselle de Lafayette. C'est divin, absolument divin. Oh, mon petit abbé, moi qui vous avais pris pour un enfant. Nous avons donc pris congé. J'exhorte, je m'enflamme. Oh, quel beau spectacle cette fois, cette confiance en la Providence. Et de sa part, elle, quelle simplicité, elle, aimée d'un roi, de pénétrer dans cet intérieur sordide, de caresser cet enfant. Elle paraît s'attendrir. Les boucles blondes ont fait leur effet. Je poursuis intrépidement, que de joie dans la vertu. J'ai vu sur son visage, au moment pathétique du crucifix, une lumière toute nouvelle. Et dans un transport, je m'écris, je vois en vous, mon enfant, des dons exceptionnels. Je n'ai jamais aimé les miroirs. Je n'aime pas me voir. Je n'aime pas voir les autres. Mes cauchemars ont toujours été des visages, du plus loin que je m'en souvienne. Les yeux surtout. Je voudrais que les visages soient aveugles. Je voudrais l'être. Un miroir, c'est aussi une sorte de regard. Ce n'est pas juste. Je ne devrais pas avoir à fuir encore. Il me faut ma récompense. La paix pour y boire, pour s'y noyer. Où sont les prix de fin d'année, les couronnes de roses qui s'effeuillent, les livres à odeur de moisi, les caresses, le ruban de velours vert si longtemps convoité, la médaille? Qu'ai-je fait qu'il ne fallait pas faire pour être encore ici poursuivi? C'était pourtant ce que vous vouliez tous pour moi, ce couvent, cette chambre et ce voile. J'ai dansé l'une après l'autre toutes les figures du ballet, récité toutes les strophes du poème, brodé jusqu'au dernier point le canevas. L'oratoire, l'adieu à la reine, l'adieu au roi, tendre baiser à la famille, dernier sanglot, premier sourire. Et Louise s'est avancée, transfigurée vers l'autel. C'est pourtant cela que vous vouliez, que je voulais, que je voulais. Mais je voulais la paix, non le silence. Je voulais n'avoir plus à fuir. On me l'avait promise, cette paix, on me la doit. Ce n'est pas juste. Le feu crépite, je vais y remettre une bûche. Prions. Vous ne pouvez pas, mes prières, m'avoir trompée. Ni l'humble dorure du Jésus de village qui me faisait plaisir à voir, ni le genou sagement plié chaque soir près de mon lit d'enfant, dans cette joie de finir parfaitement la journée, dans l'odeur des gros draps parfumés à l'œillet où je me couchais toute droite, sans découvrir mes jambes. La journée est finie, vous ne pouvez pas m'avoir trompé, mes joies d'enfance. Pourquoi ne pas dormir? Tout est fini, le dernier pas est fait. La reine, le roi, le cardinal, Marie, tous, mère, tante, sœur, ne sont plus que des fantômes. Qu'ils s'évanouissent dans la nuit comme un mauvais rêve. Ma journée est finie. J'ai dû oublier quelque chose. J'avais si bien traversé la journée, les yeux fixés sur cette heure où enfin je serai seule, délivrée. Je suis seule, mais j'ai dû oublier quelque chose qui est là dans la chambre et m'empêche d'être seule tout à fait. Une faute quelque part. J'ai cru à votre douceur, mère. À votre autorité, mon père. J'ai cru à la sagesse, aux récompenses, aux bonnes notes qu'on rapporte, à votre dévouement, Montadieu, à votre grâce, Françoise, à votre noblesse, Marie, au droit des reines à être révérées, à l'étiquette, aux convenances, à la chasteté, comme je croirais à la règle demain. N'est-ce pas assez? Que puis-je leur donner de plus? Est-ce que vous pensez que vous pourriez avoir d'autres sujets de romans? Oui, sûrement, parce que dans ce dernier livre, par exemple, je sens que, tout en étant ce même problème, il se ramifie, il s'étend, il touche à d'autres choses, comme je crois que tout se touche, finalement, et j'espère que ça s'étendra de plus en plus. Et quel est, d'après vous, l'enseignement que peut apporter un roman? Je pense que c'est déjà un enseignement de montrer les choses dans leur vérité, si vous voulez. C'est même ce que j'ai essayé de montrer dans ce dernier livre où cette jeune fille est entrée au couvent malgré elle, par une suite d'événements qu'elle n'a pas commandés. Dans le fond, elle a été victime, elle a été dupe, n'est-ce pas? Mais j'essaye de montrer qu'au fond, elle ne l'est plus à partir du moment où elle se connaît pour ce qu'elle est. Je veux dire, elle se voit vraiment telle qu'elle est, c'est déjà une liberté. Et que pensez-vous de l'importance que peut avoir l'amour dans la vie comme dans la littérature? Quand j'écris, j'ai l'impression d'écrire dans une perspective, si vous voulez, c'est un grand mot, mais dans une perspective d'amour, puisque tout de même je crois à une vérité et que j'essaye de la communiquer, dans la mesure de mes moyens, aux autres. Donc je fais un mouvement vers l'extérieur, je ne fais pas un mouvement de repli. Quand je n'écris pas, comme j'essaye de comprendre les gens, en même temps ça m'aide dans mon travail. Mais je n'essaye pas de les comprendre d'une façon froide. J'essaye de les comprendre vraiment. Donc je pense que j'essaye de vivre dans une perspective d'amour. Bien sûr, on ne peut pas dire qu'on réussisse complètement, ni même qu'on réussisse beaucoup. Enfin, qu'on en sente la nécessité, c'est déjà très important. Pour moi, c'est une forme d'amour de comprendre. Et ça, c'est une forme d'amour qui demande sûrement beaucoup d'efforts, justement parce que les aspects sont si contradictoires. Mais je pense que l'amour les rassemble. Tous les plaisirs du jour sont dans la matinée. Une émission imaginée et réalisée par José Pivin, qui vous a présenté aujourd'hui Françoise Malé-Joris. Des extraits des romans de Françoise Malé-Joris, La Chambre Rouge, Cordélia et Les Personnages ont été interprétés par Michel Bouquet, Bernard Noël, Pierre Delbon, Yves Pénaud, Max Roire, Suzelle Goffre, Catherine Lecouet et Suzanne Michel. Prise de son Jacques Boisse, assistant de production Jean-Pierre Collat. Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France 2 Régionale le 27 mai 1961. Vous pourrez la réécouter en ligne ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture.